Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs de Radio Gemozo, c'est Cassandra et aujourd'hui on se retrouve dans mon émission à l'écoute des jeunes. Vous nous écoutez bien sur le 107FM et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Madame Sabine Moua, maman du petit Simon âgé de 15 ans et Madame Corinne Mougel, maman de la petite Mathilde âgée de 9 ans, est un bénévole de l'association. Ah, Mathilde a 8 ans, pardon. Alors, je vais commencer par demander à Madame Moua de nous parler de votre association. Oui, bonjour. Nous, en fait, c'est une de mes anciennes bénévoles qui a créé l'association au nom de Simon, dans le but de pouvoir informer déjà un peu... sur ce qu'on met en place pour aider Simon donc dans la prise en charge de l'autisme et puis également pour lever des fonds parce que malheureusement tout coûte cher donc voilà mais c'est aussi enfin surtout dans un but informatif vraiment parce qu'on met en place une méthode qui est assez peu connue et qui se passe à la maison avec beaucoup de bénévoles, donc qui n'est pas en structure classique. Et donc du coup, ça demande des bénévoles, du matériel, enfin un peu de tout. Mais nous, ça fait quasiment 4 ans qu'on met ça en place et on en est très contents. Voilà, un petit peu, enfin beaucoup résumé. Voilà ce que je pourrais dire sur l'association. Et tout se passe bien, vous arrivez à trouver des bénévoles? Alors, l'équipe, elle tourne, comme ça fait 4 ans. On a quand même un noyau dur de personnes qui nous suivent depuis le début. Une quinzaine de personnes qui est avec nous, donc soit qui interviennent auprès de Simon, soit qui m'aident dans d'autres choses, notamment dans les manifestations de l'association, etc. Après, ça dépend de la disponibilité de chacun. Mais évidemment, il faut renouveler régulièrement l'équipe, donc on refait des appels à bénévoles réguliers. On en a fait un il y a assez peu de temps. Donc pour rechercher de nouvelles personnes. Et puis comme c'est une méthode où la diversité des personnes est importante, du coup, même si les gens changent, c'est bien aussi, parce que chaque personne arrive avec ce qu'elle est et peut proposer à Simon des façons différentes de s'éveiller et de sortir tout doucement de sa petite bulle. Donc votre association fait partie... Enfin, je veux dire, tous les membres de votre association, ce sont des bénévoles qui... Quasiment, oui. En fait, j'ai aussi des gens qui n'ont pas le temps d'être bénévoles auprès de Simon, mais qui veulent nous aider, donc qui adhèrent à l'association. Tous mes bénévoles font partie de l'association, quoi. Et du coup, ces bénévoles viennent jouer avec Simon ? Oui, voilà, c'est une méthode qui est basée sur le jeu, sur la relation à deux de façon très seul naturelle. Comment ? Seul à seul ? Oui, seul à seul, oui. L'enfant est juste le bénévole ? Voilà, on a aménagé une chambre, enfin la chambre de Simon, on l'a aménagée en salle de jeu, en petit cocon sensoriel, donc pas de surstimulation par rapport à d'autres méthodes. Il faut justement privilégier la relation entre Simon et la personne qui vient jouer avec lui. Donc une personne à la fois pour pas... Des créneaux de combien de temps à peu près ? Alors c'est des créneaux d'une heure et demie et on essaye d'en faire 4 dans la journée. Deux le matin, deux l'après-midi. Donc ça demande beaucoup de monde parce que effectivement, j'ai des personnes qui viennent une fois par semaine, d'autres une fois tous les 15 jours. Chacun vient selon ses disponibilités. J'ai des gens qui travaillent, qui viennent après le travail, des gens qui viennent le samedi. Donc on fait du lundi au samedi, 4 séances par jour. Et vous pensez que ça permet à Simon de sortir de sa bulle ? Bah alors déjà, le premier bénéfice qu'on a vu dès le premier mois, j'allais dire, c'était vraiment un apaisement. Parce que Simon avait beaucoup de crises de frustration par rapport à beaucoup de choses. On a compris après qu'en fait, il y avait énormément d'extrasensorialité qui lui posait beaucoup de soucis, qu'il était vraiment agressé par tout ce qui était visuel, auditif, mais il n'arrivait pas à l'exprimer. Donc évidemment, on ne savait pas trop ce qui provoquait les crises. Mais du coup, d'avoir été remis dans ce petit cocon où il y a moins de bruit, où il y a quasiment rien pour s'enfermer visuellement, ça l'a énormément apaisé. Les crises se sont espacées. Avant, il se cognait la tête en permanence. Dès le premier mois qu'on a mis ça en place, il ne l'a plus fait. L'agressivité qu'il pouvait avoir au sein de la famille, envers ses frères et sœurs, ça s'est gommé petit à petit. Ça a mis un peu plus de temps, mais là, maintenant, ça se passe bien. Et il a refait partie de la famille, c'est-à-dire qu'il est revenu avec nous, dans la même pièce que nous, il ne se cachait plus partout. Donc ça, c'était vraiment une grande victoire. Après, malheureusement, ça ne rentre pas forcément dans les cases d'évaluation, je dirais. C'est un peu dommage, mais... Parce que la méthode des 3 I, c'est... Je ne sais pas en fait du tout, moi, d'où provient cette méthode. Alors, ça vient de différentes méthodes américaines. C'est ce que j'avais entendu dire. Voilà, basé sur le jeu, qui ont été mises en place par des psychothérapeutes aux États-Unis. Donc, nous, en fait, on fait partie d'une association nationale qui s'appelle Autisme Espoir vers l'école, et dont la présidente, Madame de Laprelle, a adapté, on va dire, les méthodes dont elle a entendu parler aux États-Unis pour son petit-fils, qui était autiste sévère et qui avait 2 ans, je crois, hein, au moment où elle a mis ça en place. Donc voilà, elle avait fait des recherches et quand elle a trouvé ses méthodes par le jeu, ça lui a beaucoup parlé. Et donc du coup, elle a ramené ça en France, elle a un peu adapté. Il y a plusieurs formes d'autisme, plus graves, moins graves. Ah bah oui, ça après, on dit en général que chaque autiste est différent. C'est difficile, même quand on a un diagnostic avec un score particulier. Par exemple, je sais pas, l'échelle CARS qu'on utilise, il y a un score de 60 au maximum. Simon, il a été diagnostiqué à 44. C'est entre sévère et profond. Et là, quand on a fait une réévaluation, il était à 41, alors que moi, j'estime qu'il a quand même fait énormément de progrès. Mais il y a plein de choses qui ne rentrent pas en ligne de compte. Une évaluation, ça reste une image, on va dire, un moment M. Et vu la façon dont se passent les évaluations, je pense qu'il y a du travail à faire là-dessus. Qui suit ce travail, en fait ? Alors, les évaluations, en fait, il faut prendre rendez-vous avec le Centre Ressources Autisme. Donc, il y a le centre de l'AXOU. Et maintenant, ils ont fait plusieurs antennes. Il y en a une sur Épinal. Je ne sais pas s'il y en a une sur Remiremont, Corinne. Je ne sais pas, mais sur Épinal, oui. Ça ne te dit rien. Donc, nous, on avait fait partie... on a fait sur Épinal. Donc, dans chaque département ou dans chaque région, au moins, il y a un centre ressources autisme. On le contacte et c'est eux qui disent... Et je voulais... savoir, est-ce que la méthode des 3 I s'adapte à chaque forme d'autisme ou c'est pour tout le monde pareil ? Non, mais en fait, c'est pas justement, c'est une méthode qui est vraiment très, qui peut être extrêmement personnalisée parce que c'est vraiment, on tient compte de ce qu'est l'enfant dans sa globalité et pas seulement du handicap dû à l'autisme. En fait, on tient compte de sa personnalité aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui suit et qui évolue avec l'enfant au fur et à mesure. Parce que on essaye de faire que l'enfant se sente en confiance. C'est vraiment basé sur le bien-être pour que l'enfant soit dans les meilleures conditions pour pouvoir entrer en relation. Mais que ça se fasse de façon naturelle, spontanée, et que du coup, ça soit quelque chose qui soit pérenne dans le temps, mmh. et pas lui apprendre un comportement défini qui pourrait après être difficile de mettre en place dans d'autres situations. Là, on essaye que ce soit vraiment quelque chose qui puisse s'inscrire dans le temps. Donc, c'est clairement sans bénévole, vous ne pouvez pas... Ah bah non, après voilà, si on manque de monde, malheureusement, c'est très compliqué parce que du coup... Vous pouvez pas faire... Enfin, vous ne pouvez pas vous seul... Non, moi, je peux pas faire ça toute la journée. Bon, déjà, une séance, c'est épuisant. Parce puis que, vous êtes sa maman, donc peut-être que ça le sort. Alors pas là, de son le, voilà, le fait qu'il ait 15 ans, je pense que ça se ressent aussi... je pense qu'il en a un peu marre de sa mère. Donc c'est vrai que quand je suis un peu trop présente, on ressent que qu'il veut plus ou il veut moins ou il est moins d'accord, voilà, parce que bon, au niveau développemental, parce que c'est là-dessus qu'est basée la méthode, au niveau développemental, Simon, il a entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc, dans le corps d'un enfant de 15 ans, c'est ça qui est compliqué. Et vous pensez que par la suite, sur le peu d'articles que j'ai lus, certains parlent carrément d'avoir remis leurs enfants en école. Alors, je sais si... Voilà, c'est des grandes victoires et c'est formidable. Et c'est aussi pour ça que l'association Autisme Espoir vers l'école avait été créée. C'est parce que l'expérience a été réussie, l'expérience pour le petit-fils de Madame de Laprelle avait été réussie. Mais je pense qu'aussi le fait qu'ils aient commencé ça très tôt, donc avant 3 ans, ça aide aussi beaucoup. Simon, nous, on a commencé, il avait déjà 11 ans. Et oui, il avait 8 ans et demi d'hôpital de jour derrière lui. Ouais, sur Internet, ils disent que le mieux est de développer la technique entre la naissance et les 3 ans. Oui, bah bien sûr, bah c'est là que la plasticité cérébrale est de toute façon la plus, enfin le mieux pour reprendre les choses là où elles ont péché, quoi, j'allais dire, puisque c'est ça le but, c'est de repasser par des étapes de développement qui n'ont pas été que l'enfant n'a pas eu ou qui se sont mal passées, qui auraient donc s'il faut repasser par là, forcément plus on le fait tôt, mieux, plus on a de chance que ça fonctionne le mieux possible. Mais bon, on a quand même déjà des bons résultats et Simon s'exprime quand même maintenant, arrive à exprimer des besoins, des envies. Donc ça, c'est déjà super important. Donc même si Simon, lui, il va peut-être sans doute pas retourner à l'école parce que de toute façon, il a déjà 15 ans. Mais même s'il reste dans un circuit protégé, on va dire, il arrivera quand même plus à s'exprimer que si on l'avait laissé là où il était, quoi, j'allais dire. Voilà, enfin, nous, en tout cas, on est contents déjà de ça. Oui, vous avez vu qu'il y avait eu un progrès. Oui, oui, oui. Direct, enfin, vous m'avez dit dès le premier mois, donc c'est que... Oui, oui. En tout cas, au niveau de l'apaisement, c'était vraiment phénoménal et... très reposant pour nous. Enfin, ça nous a fait du bien, hein, je vous le dis. Ça doit pas être facile dans votre quotidien de tous les jours, être maman, s'occuper de Simon, jouer, enfin voilà. Oui, d'ailleurs, je ne travaille pas, c'est une grande chance. C'est pour ça aussi que j'ai assez peu hésité à mettre la méthode en place parce que c'est quand même assez contraignant. On reçoit quand même du monde tous les jours. Mmh. Il faut quand même être présent un minimum. J'ai aussi d'autres enfants. C'est vrai que le fait de ne pas travailler, moi, finalement, pour moi, c'était une chance, quoi. Et je voulais savoir, ses frères et sœurs jouent-ils avec ? Alors oui, son grand frère fait des séances régulièrement avec lui, sa sœur de 13 ans aussi. La plus petite, elle préfère jouer avec lui, mais pas dans la salle de jeu, quoi. Disons plus à l'extérieur, quand on fait des sorties familiales, voilà, elle va être à proximité, un peu avec lui, mais donc ils sont un peu plus, ils ont un peu plus de distance. Oui, donc tout le monde est derrière Simon, quoi, c'est génial. Oui, ben c'est vrai que Simon, c'est un peu notre phare, hein, on va dire, on est tous autour de lui. Mais bon, bah, j'espère qu'effectivement, c'est pas trop lourd pour chaque personne de la famille. Mais... Je pense que en vous soutenant tous quotidiennement, ça va aller. Oui, bah, en tout cas, on a la chance effectivement d'avoir une grande équipe. Effectivement, les bénévoles deviennent nos amis assez rapidement. Et c'est vrai parce qu'on se sent vraiment soutenu, quoi. C'est vrai. Dans les quatre coins d'Épinal, on trouve vos affiches. Oui. Moi, j'en ai vu plusieurs, oui. Parfois, je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça, c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Si on a peur que je tienne pas le coup, je sais que t'es là pas loin, même si c'est fou. Les fous, c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Et voilà. Et je voulais savoir, Madame Mougel, oui. Si vous pouvez vous rapprocher du micro. Bonjour. Bonjour. Est-ce que nous pouvons parler de votre association et de Mathilde, votre fille de 8 ans ? Oui. Donc, je vais d'abord parler de Mathilde et de la méthode des 3i que nous avons mis en place il y a 9 mois, à peu près jour pour jour, là. Voilà. Joyeux anniversaire. Ouais, joyeux anniversaire. Chez nous, il nous arrive toujours quelque chose tous les 9 mois dans notre vie depuis un certain temps. Mais donc, je me suis décidée pour la méthode 3i, moi, l'année dernière, au mois de mars, février, parce qu'on était dans une situation très complexe, Mathilde et moi. Mathilde ne pouvait plus aller à l'école, l'hôpital de jour ne suffisait plus à son épanouissement, et surtout, on n'avait aucune place nulle part, IME, entre autres, dans le coin, parce qu'il y a des listes d'attente très conséquentes. Et nous avons une deuxième difficulté. Ma fille est autiste sévère, mais elle est aussi sourde profonde. D'accord. Donc nous, on cumule deux handicaps enfermants. Et la vie en collectivité, société, était vraiment compliquée, je dirais même destructrice par moments pour Mathilde. Et donc, voilà, on s'est retrouvés à un moment, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Et moi, j'avais entendu parler des 3i de l'association AEVE en 2013. J'avais hésité à me lancer dans cette méthode avant l'entrée à l'école de Mathilde. Mais tout le monde disait non, non, il faut qu'elle aille à l'école, il faut qu'elle rencontre d'autres enfants, il faut qu'elle s'ouvre au monde, etc. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, c'est mon plus grand regret, quoi, de ne pas avoir franchi, ouvert cette porte en 2013. Voilà. Je précise en passant que je suis enseignante. Donc je vois aussi la difficulté qu'on peut avoir, nous, dans notre métier, à accompagner des enfants qui peuvent être sévèrement atteints. Là, j'ose le dire parce que je parle de ma fille aussi. Hein. Je ne suis pas une instite qui dénigre le handicap à l'école, pas du tout, bien au contraire. Mais dans le cas de Mathilde, c'était vraiment très compliqué. Et voilà, beaucoup de monde, les gens se sont un peu épuisés à trouver des solutions. Donc finalement, AEVE est revenu tout naturellement dans ma vie suite à un appel à bénévoles sur Gérardmer pour un autre petit garçon. J'ai assisté à une réunion de formation bénévole et là, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il nous faut. Et cette fois-ci, je franchis le pas. Donc je suis allée me former à Boulogne avec Madame Delaprelle et l'association AEVE. Et franchement, je me suis dit, ça peut coller tout à fait avec Mathilde. Et effectivement, vous ne regrettez pas du tout votre choix? Alors, pas du tout. Franchement, et si vous avez un enfant avec autisme sévère ou profond, en bas âge, je pense que, voilà, renseignez-vous à droite, à gauche sur les différentes méthodes qui existent. Mais voilà, moi, je ne regrette pas du tout. Vous avez l'école déjà n'est vu pas des forcément progrès? La solution pour un enfant autiste, dans mon... Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui, ça dépend vraiment. Ça dépend du degré. Chacun. Ça dépend du degré entre léger, moyen, sévère, profond. Il y a un cap à un moment donné. Il faut pas insister, quoi, parce qu'on défonce des portes ouvertes et on met l'enfant en souffrance. Les parents aussi, forcément. Voilà. Donc moi, il y a un an, on a un blog privatisé et je l'ai écrit hier soir. Il y a un an, en arrière, on allait au casse-pipe toutes les deux, ma fille et moi. Et j'ai frappé à la porte d'AEVE et maintenant on a une solution extraordinaire avec 42 bénévoles chez nous, 42 nouveaux amis. Et nous, on a très peu de famille, hein. Je suis toute seule avec Mathilde, donc pas de papa, pas de frères et sœurs, pas de grands-parents. Donc là, en plus, on a une nouvelle famille, je dirais, une équipe en or. Et sans eux, on ne peut rien faire, quoi. Alors, je voudrais dire aussi que cette méthode n'est pas encore reconnue par la Haute Autorité de Santé. Voilà. Donc, nous, parents qui décidons de nous lancer dans ce genre de méthode, nous devons nous débrouiller par nous-mêmes. Moi, j'ai réduit mon temps de travail à mi-temps. Je gère maintenant une équipe de 42 personnes. Quand je dis « je gère », c'est pas... Je suis DRH, quoi. Mais voilà. Donc, à part les gens qui sont dans l'équipe, qui nous voient vivre à la maison, qui partagent notre quotidien, les gens à l'extérieur ne se rendent pas compte de l'investissement pour nous, les parents. C'est... Voilà. Donc, je ne sais pas trop quoi rajouter. Mathilde, très rapidement, elle a gagné en sérénité, en confiance, en apaisement. Alors, avant de rentrer en salle de jeu, Mathilde avait un emploi du temps de ministre, ça aussi. Les gens ne se rendent pas compte qu'un enfant avec handicap, et chez nous double handicap, surdité et autisme, nos enfants, entre les taxis, l'orthophonie, l'hôpital de jour, l'école, éventuellement un peu de garderie, une nounou, surtout quand on travaille. Moi, j'ai travaillé à 100% jusqu'en décembre 17. Voilà, donc... emploi du temps de ministre, épuisement, fatigue. Mathilde était à la limite d'une déprime en novembre l'année dernière. Comment l'avez-vous ressenti? De quoi? Que Mathilde était au bord de la déprime. Ah ben, elle pleurait, elle voulait plus manger, elle voulait plus dormir. Elle s'accrochait à moi le matin quand je partais à l'école. J'avais un mal fou à la réveiller. Voilà. Bon, il y a une autre particularité chez nous, Mathilde est adoptée. Donc les micro-abandons, voilà, toujours la laisser à droite, à gauche, sans vraiment d'explication, puisqu'en plus elle est sourde. C'est tout un contexte chez nous assez compliqué. Donc là, on a tout apaisé en ramenant Mathilde à la maison, dans la maison de mon enfance en plus, dans la chambre où je dormais quand j'étais petite. Maintenant, c'est sa salle de jeu à elle. Donc je lui donne des racines aussi. Je la pose, je la stabilise et je lui offre des racines qu'elle n'avait pas par sa première histoire. Voilà. C'est une et bon, la méthode, là, moi, je trouve que c'est extraordinaire et on est suivi. Hein. On a un coach sur Boulogne, on a une psychologue qui nous accompagne, qui vient jouer tous les 15 jours comme un bénévole, qui organise des réunions tous les mois ou toutes les six semaines par rapport au suivi d'équipe, qui redynamise l'équipe quand il y a un coup de mou, qui motive la maman quand... Non, je... Mais voilà, c'est vraiment... C'est une méthode bien pensée, bien construite et très proche de l'enfant et de la famille et de l'équipe, quoi. Donc, Oui, c'est une deuxième famille, clairement, votre équipe, vu qu'elle partage votre quotidien. Et aussi qu'il y a vraiment un moindre coût. Hein ? Les frais, c'est la mise en place de la salle de jeu. Après, on paye, on finance la psychologue qui se déplace et qui... Mais sinon, c'est zéro frais, quoi. C'est une méthode... Voilà. Donc moi, je tiens à le dire aussi, ça. Parce que comment on fait pour financer, par exemple, un enfant autiste de nos jours, il peut aller en Belgique. Hein. Vous pouvez aussi vous renseigner sur l'exil forcé, contraint des enfants autistes quand il n'y a aucune solution en France. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Eh bien, ils vont dans des structures en Belgique parce qu'il y a des structures qui existent en Belgique et pas en France. D'accord. Voilà. Donc, ça pourrait être un autre dossier, ça. Vous pourriez vous renseigner. C'est un peu comme hôpital de jour ou... Ça se dit, effectivement, dans cette optique-là. C'est à des journalistes, je pense, de faire le travail d'investigation. C'est à vous de chercher. Mais bon, il y a beaucoup de structures qui s'ouvrent, notamment tout près de la frontière. On a plus l'impression que on ouvre des places plutôt que des solutions thérapeutiques vraiment. Mais bon, après, voilà, moi, je suis pas allée voir non plus en Belgique comment ça se passe. Par rapport à l'autisme en France, quand même, on a énormément de retard dans la prise en charge. Donc, ça, malheureusement, ça se dit depuis plusieurs années. Il y a beaucoup d'associations de parents qui tirent la sonnette d'alarme depuis des années. La haute autorité de santé, c'est pareil, s'est fait taper sur les doigts au niveau international plusieurs fois pour le problème de la gestion des personnes autistes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, hein, parce qu'un autiste, ça grandit, ça vieillit aussi. Donc il faut des structures dédiées à chaque âge de la vie. Mais en fait, les enfants autistes sont... Dans les mêmes structures que d'autres handicaps qui n'ont pas à être gérés de la même manière. Donc tout est mélangé, en voilà, fait. Voilà, tout est mélangé. Il n'y a pas forcément de cas à cas, de méthode vraiment mise en place dans les structures. Et du coup, ça s'apparente plus à, malheureusement, de la garderie. Alors même s'ils essayent, de toute façon, quand même, de leur donner de une certaine autonomie. De suivi. Disons que c'est compliqué de mettre en place quelque chose quand vous avez plusieurs handicaps mélangés. Vous avez des enfants qui ne réagissent pas du tout de la même manière les uns par rapport aux autres. Donc, il y a quelques structures qui essayent de faire des groupes spécialisés autistes, quand même. Mais bon, le problème aussi, c'est que, déjà, il n'y a pas suffisamment de structures d'accueil. Et même quand il y a des structures d'accueil, il y a toujours des places vacantes au niveau des différents professionnels, parce que au niveau des IME, c'est censé être des équipes pluridisciplinaires. Donc, normalement, quand un enfant est à l'IME, il n'y a pas besoin d'aller voir en extérieur un psychomotricien, il n'y a pas besoin d'aller voir un orthophoniste. Tout est compris, quoi. Voilà, normalement, chaque professionnel est sur place. Dans les faits, on vous dit « Ah, on n'a pas le psychomotricien. Ah, on n'a pas l'orthophoniste. » Donc, finalement, on se retrouve avec une prise en charge qui n'est pas du tout globale et où il faut de toute façon aller voir en libéral ailleurs... Pour les professionnels, et du coup, ça ne fait pas partie de ce qui est proposé au départ, qui est censé être une prise en charge globale. Et par rapport à ça, justement, lorsque la prise en charge n'est pas globale parce qu'il manque un professionnel dans une structure, si on prend la personne en libéral, là, c'est de la poche des parents. Il n'y a aucune prise en charge pour tout ce qui est prise en charge libérale. En dehors de la structure. En dehors de la structure. Oui, si c'est prévu dans la Sauf structure. Sauf orthophoniste, mais psychomote, non. Ergothérapeute, etc. Voilà. Et des prix, coûts, non très ouais, vite coûts énormes. Après, en fonction du taux d'invalidité de notre enfant reconnu par la MDPH, on peut avoir une aide de la MDPH sous forme d'un complément pour nous aider à financer, on va dire, les extras. Est-ce que ce complément est à niveau des frais que vous dépensez quotidiennement ? Comment ? Comment ? Est-ce que c'est à niveau ? Est-ce que c'est à niveau ? Alors, la méthode en elle-même, les trois I, ne coûte rien, ou que la psychologue, si oui, vous voulez. L'intervention de la psychologue. Mais bon, là, moi, j'ai réduit mon temps de travail de moitié, donc là, j'ai une perte financière. J'ai une compensation de la MDPH, mais qui correspond même à la moitié de ce que je perds, quoi. Oui, de ce que je perds. Je travaille pas, donc je... voilà, c'est compliqué. Mais donc, les aides qu'on aurait de l'extérieur ne compensent pas forcément la globalité. Et puis, il y a aussi, après, tout ce qui est retraite. Hein, les parents qui sont contraints de diminuer leur temps de travail, on se pose la question. C'est un sacrifice. Certaines associations revendiquent un statut d'aidant familial pour les mamans qui sont contraintes de rester à domicile pour leur enfant avec handicap. Voilà, donc on s'est demandé depuis un certain temps, donc aidant familial, pardon, ou accompagnant familial, peu importe le terme, mais il y a un certain nombre de mamans en France qui ont arrêté ou ont diminué leur temps de travail pour s'occuper de leur enfant avec handicap parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En France, 43 000 enfants sont estimés quand même à domicile sans solution. Voilà, donc moi... Je mets le point là-dessus parce que j'étais dans le cas-là l'année dernière. Quoi, hein. Et la solution, j'ai trouvé par moi-même et je n'ai que très peu d'aide. Donc, à ce sujet-là, nous, on a monté une association qui s'appelle Mathilde et ses amis Autisme et Compagnie. Donc, c'est une association basée sur Remiremont et qui est ouverte à toutes les familles qui auraient besoin d'un coup de main morale ou d'un coup de main dans les démarches administratives, parce que là aussi, moi, j'ai une expérience colossale. Depuis l'annonce des deux handicaps successifs là, de Mathilde, entre la MDPH, les demandes de congés de présence parentale pour rester à domicile avec l'enfant, enfin, j'ai une expérience, moi, personnelle dans le handicap à ce niveau-là, et je voudrais la partager, accompagner les familles qui seraient là aujourd'hui perdues, comme j'ai pu être perdue, moi, en 2012, en 2013, et puis surtout en 2017. Voilà. Donc, notre association, on a une adresse mail, je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a que ça. On démarre seulement. Et donc, je vous donne l'adresse mail. Math, minuscule M-A-T-H, tiré du 6, ami amis@orange.fr. Voilà, donc pour les familles qui se sentiraient un peu perdues dans le handicap de leur enfant, vous pouvez nous contacter. Bah, c'est bien de vous relayer chacun, parce que je pense que vous êtes au courant de la difficulté. Ah ben, moi, je dirais que le sujet, je le maîtrise de A à Z++. Et franchement... moi, je voulais lancer aussi un appel à l'éducation nationale, parce que j'ai certainement une compétence que beaucoup n'ont pas. Et voilà, donc je vais aussi signaler à ma hiérarchie que j'ai monté une association pour accompagner les familles en difficulté, parce que je sais qu'il y a des familles qui sont en difficulté par rapport à l'école. Et voilà, demande d'AVS, les AVS, on n'en a pas parlé. AVSI, AVS mutualisé, donc aide à l'école, c'est mon téléphone portable. Il n'y a pas de problème. Aide à l'école, accompagner un enfant à l'école. Donc Mathilde a eu la chance d'avoir une AVS pendant ses 4 ans et demi d'école. On peut juste réexpliquer ce qu'est une AVS ? Assistant de vie scolaire, mais je pense que le nom a changé parce qu'en fait, on prend un grand plaisir à changer constamment les sigles. Mais moi, je reste ancienne, donc AVS, parce que ma fille avait une AVS, assistant de vie scolaire. Individuelle, donc que pour l'enfant, ou mutualisée pour un ou plusieurs, pour deux ou plusieurs enfants. Voilà. Donc c'est une aide, une personne qui rentre dans la vie de l'école, qui n'a pas de formation initiale et à qui on demande beaucoup sans formation, avec un enfant avec handicap. Et souvent, ce sont les parents qui font la formation, qui donnent des renseignements sur leur enfant. Voilà. On ne devient pas AVS avec un enfant autiste sans aucune formation avec voilà. Et puis on peut avoir un enfant avec une déficience visuelle, un enfant avec une surdité, un enfant en fauteuil. AVS, ça couvre tous les handicaps dès que l'enfant est scolarisé à l'école. Donc moi, je leur tire un grand chapeau, un coup de chapeau là, à ces personnes qui ont beaucoup, qui s'investissent auprès de nos enfants, sans peut-être suffisamment de soutien et surtout un salaire de misère. Ah, ça c'est clair. Donc voilà. Donc c'est de la poudre aux yeux en fait. C'est de la poudre, on met de la poudre, hein. On va vous mettre quelqu'un, on va vous aider, et puis finalement, qu'est-ce qu'on, voilà, nous on se retrouve à la maison avec heureusement des humains, hein, des gens humains. 42 bénévoles répondent à l'appel, moi que j'ai lancé. Donc finalement, je ne sais pas quoi rajouter, mais moi, c'est cette dimension humaine, franchement, qui m'émeut et qui me bouleverse. Oui, je vois bien que quand vous en parlez. C'est impressionnant, quoi. Cet élan de générosité. Et voilà. Donc, surtout si vous avez été en galère pendant des années. En galère, disons que c'était compliqué, quoi. Et à chaque fois, on se dit, on va trouver la solution, ça va avancer. Et quelle solution ? Finalement, là, on est sur une liste d'attente IME, ce qu'on appelle aussi CESAD. Alors, les SIC, je peux vous en donner 50, 60, 70. Mais je ne vais pas tous les expliquer. Ce serait un jeu pour les mots croisés. Vous allez chercher les définitions des sigles. Mais donc, on a des échanges régulièrement. Mathilde est sur liste d'attente. Mais comme il y a la surdité en plus, ce n'est pas évident. Même s'il y avait une place par rapport à un trouble autistique... Pour Mathilde, à un moment donné, paf, la surdité, comment on va faire ? Il faut que les gens se forment. Donc, chez nous, on a, dans l'équipe, j'ai des gens qui signent, dont l'ancienne AVS de Mathilde, qui vient jouer avec elle à la maison. Donc, voilà, ça aussi, ça fait chaud au cœur. Oui. On va essayer de former un peu l'équipe à la LSF, la langue des signes. Et puis... moi, j'aurais besoin de formation, moi, personnellement, en tant que maman, pour échanger avec ma fille. Mais là, c'est moi aussi qui finance. Quand je demande un stage LSF au niveau de la maison du handicap et qu'on ne me donne pas d'aide financière pour un stage d'une semaine d'un 200 euros, alors que c'est le mode de communication de base avec ma fille, je trouve ça difficile à encaisser, quoi. Oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est un combat, mais je n'aime pas ce mot, moi. Mais c'est un combat de tous les jours et... Mais ça reste une expérience très enrichissante aussi. Pourquoi les enfants demandent toujours pourquoi ? À la réplication, on n'en peut plus. T'as pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules. Est-ce que les chevaux baillent ? Que fait le Père Noël ? Le reste de l'année, il va où ? Spider-Man en vacances ? Est-ce que les poissons peuvent bronzer ? L'infini, ça va jusqu'où ? Et pourquoi papy, il est vieux ? Comment font les pingouins pour se moucher ? Est-ce que les schtroumpfs font pipi tout bleu ? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, tu nous saoules. C'est quoi le temps qui passe ? Pourquoi si je baille, tu bailles aussi ? Qui fait tous ces trous dans le fromage ? Quand on est mort, c'est pour la vie ? Que fait la petite souris de toutes nos dents ? Pourquoi les îles sont au bord de la mer ? Une poule constipée fait-elle des œufs durs ? C'est grand comment l'univers ? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. S'il te plaît, mon chéri, ta maman se charge des commandes et pourquoi. Les où et les quand sont pour ton papa. Écoute-moi pour la dernière fois. Il y a plein de choses, mon petit gars, qu'on sait pas. C'est comme ça, la la la. On peut pas tout savoir non plus. Est-ce que les huîtres, elles ronflent? Pourquoi Superman met son slip sur son pantalon ? Et pourquoi la colle, ça colle ? Pourquoi les carrés, c'est pas rond ? Bonne question. Pourquoi les biscuits durs deviennent mous ? Et les biscuits mous deviennent durs ? On est où ? Avant de naître ? C'est quand qu'on arrive ? Qui c'est qu'a inventé la pluie ? Arrête avec tes questions, on n'en peut plus, par pitié, je t'en prie, sois cool, arrête avec tes questions, on n'en peut plus, s'il te plaît mon chéri. Tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules, tu nous saoules. C'est vrai, il y a des fois, bon. C'est quoi une question? Bah écoutez, on va parler... Je sais même pas votre prénom, je suis désolée. Stéphane. Donc on va parler avec Stéphane, bénévole de l'association de Mathilde. De Mathilde, oui. Donc je connais Mathilde en tant que voisin, donc depuis qu'elle est arrivée en France, hein, comme elle a été adoptée. Donc quand Corinne m'a demandé si j'étais partant pour venir jouer, elle m'a expliqué un petit peu la méthode, bah, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Donc voilà, je peux parler de la salle de jeu un petit peu, de la méthode. Donc le but, c'est d'imiter l'enfant. Voilà, on suit l'enfant, on ne lui donne pas de contraintes, on l'imite. Voilà, donc si on a un miroir, si elle est devant le miroir, ben on se met à côté d'elle et puis on fait les gestes qu'elle fait. On essaie d'enrichir le geste pour que Mathilde ou Simon essaient de nous imiter à notre tour. Donc on a quelques imitations, de temps en temps, ça arrive. Mais ça prend du temps, voilà, ça prend du temps. C'est à long terme. Ah ben oui, c'est à long terme, oui. Bon, moi j'ai vu Mathilde, en effet, s'apaiser au fil du temps, oui. Ça c'est le point... Donc même vous, en tant que bénévole, vous arrivez à voir le progrès Ah ben oui, bon, surtout que moi du coup je la vois aussi à l'extérieur, bon, c'est pas comme des bénévoles qui la voient une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours. D'ailleurs moi je vis de moins en moins en salle de jeu parce que tous les bénévoles veulent revenir, ça nous fait du bien aussi d'être dans le cocon sensoriel, voilà, ça fait du bien à Mathilde ou à Simon et ça fait du bien aussi aux bénévoles de jouer et puis de retomber un peu en enfance. Je pense qu'on se sent utile dans ce genre de moment. Oui, c'est sûr. Oui, bon, parce que je suivais un petit peu l'histoire de Mathilde et Corinne, mais un petit peu en extérieur. Hein. Là, tandis que là, maintenant, je suis un petit peu plus au cœur des problèmes, entre guillemets. Et comme on a créé l'association, donc je suis un petit peu plus utile au niveau de l'association, parce que bon, et puis de l'organisation des journées, comme disait Sabine, ça demande toute une équipe de bénévoles, il y a des plannings, il y a des vidéos, parce ce qu'on n'a pas dit, c'est que la salle de jeu c'est filmée. Aussi bien par mesure de sécurité, entre guillemets, quoique bon, on connaît, Corinne connaît la plupart des bénévoles, donc... Mais je ne sais pas, il pourrait y avoir un accident. Oui, on ne sait jamais. Mais c'est surtout pour suivre l'évolution de l'enfant. Voilà, un bénévole peut dire en sortant, voilà, au bout d'une heure, il s'est passé telle chose, et on peut aller voir sur la vidéo que la psy peut exploiter après pour montrer à toute l'équipe voilà ce qui s'est passé, comment on peut le faire, comment on peut enrichir, ou au contraire, ce qu'il faut, ce qu'on peut éviter, parce que... on a tous notre personnalité, c'est ce qui est aussi bien dans la méthode. Et vous, les bénévoles, vous recevez une formation, quelque chose, par les parents ? Par la madame Delaprelle qui s'est déplacée au mois de mars avec toute l'équipe, pour expliquer la méthode. Et puis c'est là qu'on décide si on s'engage en tant que bénévole ou pas. Voilà. Et tout le monde, la plupart des participants à la réunion ont été touchés par l'histoire de Madame Delaprelle et de son petit-fils, et de Simon et de sa maman, et de Mathilde et de sa maman, voilà. Et puis, comme on disait tout à l'heure, ça vous permet de créer des liens entre vous tous. Il y a des liens qui se créent, entre l'équipe, Je vous ai vu tout à l'heure, je ne sais pas si vous vouliez parler. Non, c'était pour parler justement des vidéos, j'avais oublié d'en parler. Et par rapport à la formation initiale des bénévoles, il y a eu deux fois 3 heures en fait, 3 heures au mois de mars, donc une réunion information générale, présentation de la méthode, et une deuxième fois 3 heures en mai, six semaines après, avec déjà un peu de recul sur la salle de jeu et un approfondissement de la présentation de la méthode, quoi. Et Madame Delaprède est revenue une troisième fois parce qu'on a eu un changement de psychologue. La psychologue vient de Strasbourg, là. Hein. Elle vient. Il y a trois familles vosgiennes ici. Simon, il y a un petit garçon à Gérardmer et donc Mathilde. Donc elle vient de Strasbourg pour suivre les trois équipes. Et elle suit et aussi. D'ailleurs, l'association AEVE règle les frais de transport de chaque psychologue. C'est important aussi parce que ça fait un sacré coût financier qui n'est pas à la charge des parents. Donc nous, en tant que parents, effectivement, on règle l'intervention de la psychologue, mais on n'a pas à régler les frais de déplacement. C'est vraiment parce que des fois, ça revient quasiment au même. Hein. Il y a peut-être autant d'interventions que de frais de déplacement au niveau financier. Donc du coup, voilà, l'association Autisme Espoir vers l'école, elle aide aussi de cette façon-là. C'est elle qui forme les psychologues, c'est elle qui forme les bénévoles, qui forme les parents. Et donc là-dessus, par contre, bon, voilà, c'est à la charge des parents, il n'y a quasiment rien à part. Je voulais savoir au niveau de, comme on vient de dire, que la pièce était filmée, est-ce que l'enfant le ressent ? Oui, Mathilde, oui. Mathilde fait des regards caméra, donc elle a appelé. Il y avait une petite lumière des fois, donc oui, elle sait que, je pense qu'elle sait qu'il y a la caméra. Mais on ne lui montre pas les vidéos, par contre, de temps en temps. Quand elle circule dans la maison, si on est en train de travailler sur une vidéo, parce que nous, on regarde certaines vidéos et on prend des séquences d'une minute, deux minutes, trois minutes qu'on peut montrer à l'équipe ou à la psychologue. Et là, si elle passe et qu'elle voit, elle vient regarder un petit coup, quoi. Parce que comme Simon est un ado de 15 ans, donc c'est, voilà, malgré son handicap, c'est un ado. Mais Mathilde, bon, elle a 8 ans, mais elle est quand même... voilà, c'est le monde de l'image des enfants maintenant. Donc ça, je pense que malgré... Oui, si, je pense qu'elle a quand même... Oui, elle est dans le monde des images, mais elle n'a pas de tablette ni rien. Non, non, elle n'a pas de tablette, c'est... Mais oui, je pense qu'elle sait, à sa manière, qu'il y a quelque chose qui... Qui guette, quoi. Voilà. C'est rigolo. Parce que, le regard caméra, ce n'était pas une fois, ça revient. Donc, elle sait qu'il y a quelque chose qui marche, là, et qui... Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est, oui. Et pas... Oui, parce que Mathilde est très, très visuelle, très curieuse, voilà. Donc il y a un petit changement, elle le voit. Si on cache quelque chose, elle va le chercher. Enfin, voilà. Les plus gros progrès de Mathilde sont à l'extérieur de la salle de jeu, en fait. Depuis qu'elle est en salle de jeu, à l'extérieur, les progrès, c'est très impressionnant. C'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, Madame Moua. Oui, oui, nous, on les a plus ressentis, effectivement, dans le quotidien que en salle de jeu. Dans la vie de famille, quoi. Comment ? Dans la vie de famille, oui, tout à fait. Simon a refait partie de la famille alors qu'il était vraiment en périphérie. Hein. On était colocataires, on va dire. Comme la salle de jeu est un cocon sensoriel, donc on ne dit pas non à l'enfant. On le suit, donc il est dans la limite du... Vous ne le contredisez pas, voilà, quoi. Du raisonnable, voilà. Mais donc on ne dit pas non à l'enfant, donc c'est l'enfant, voilà, donc c'est un peu une soupape, ouais. Il s'autorise des choses. En fait, il nous montre son monde, on le rejoint dans son monde. Oui, c'est ça, en fait, sans, dans sa bulle. Sans aucun a priori, même s'il fait des gestes bizarres, même s'il est dans ses stéréotypies, qu'il va répéter 15 fois la même phrase, ça ne fait rien, on répète avec lui parce que ça a l'air de lui faire plaisir. Donc on le rejoint dans ses stéréotypies, dans sa bulle. Il nous ouvre un petit coin et puis du coup, quand on a l'attention, c'est là qu'on essaye effectivement, comme disait Stéphane, d'enrichir pour ne sortir un tout petit peu ou sortir Mathilde de ses obsessions, mais de façon tout à fait naturelle. On laisse à l'enfant le choix, en fait. On lui montre quelque chose, on lui laisse le choix de nous suivre dedans ou pas. Mais nous, par contre, on va le suivre on va suivre l'enfant de toute façon dans ses obsessions, dans ce qu'il aime faire tout le temps, et puis pour lui montrer que on a envie de connaître ce monde-là, quoi. Et au tout début de l'implication de la méthode des 3 I, est-ce que ce soit pour Mathilde ou Simon, est-ce qu'ils ont eu peur d'un coup de ce qui se passait, des bénévoles, des gens qui viennent jouer avec eux, une salle de jeu adaptée? Non, pas du tout. Non. Non. Simon, il a eu un petit temps où il ne voulait pas forcément rester tout le temps dans la salle de jeu au début, donc il tapait beaucoup sur la porte, mais on l'accompagnait, en fait, on tapait avec lui sur la porte. Enfin voilà, c'est vraiment le but, c'est ça, c'est de l'accompagner aussi dans ses crises de frustration. Et à l'époque où nous, on a commencé, Simon, il avait une prise en charge très légère. Hein. Il n'allait plus à l'hôpital de jour que deux après-midi par semaine et il avait deux matinées à l'école. En clisse. Donc là, on passait à 35-40 heures par semaine. Donc ça, voilà, ça, je pense qu'il y a eu aussi une fatigue qui s'est installée. Mais voilà, si l'enfant a besoin de se reposer, il se repose, il y a un coin repos. On va vraiment le suivre complètement dans le développement. Donc c'est ça qui est vraiment super, parce que voilà, s'il a plus envie d'être avec nous, il sait qu'il peut se mettre dans un petit coin. On se mettra dans un petit coin aussi, on fera autre chose, on attendra qu'il soit disponible pour revenir vers nous. Mais il faut lui laisser ces temps où il a besoin aussi, ou Mathilde certainement, s'évader. Ils ont besoin de se ressourcer. Mm-mm. Voilà, parce que des fois, c'est pas des fois, c'est pour eux, ne serait-ce qu'un regard, tenir un regard, échanger avec une personne, ça demande un effort énorme. On ne se rend pas compte du tout, mais pour eux, au niveau sensoriel, émotionnel, c'est vraiment un effort. Donc, ils peuvent être très vite fatigués par ça. Et au début, on le voit qu'ils sont fatigués. Enfin, Simon, il était épuisé. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y avait des crises de frustration. Mais d'un autre côté, il était épuisé, mais ravi. Quoi. Ça... Et il n'a jamais eu peur, fatigue. Par contre, de toutes ces personnes qui venaient chez nous. Parce que justement, c'est chez lui. C'est sa chambre, c'est sa salle de jeu, c'est son cocon. Donc finalement, voilà, les gens sont invités chez lui, mais c'est pas comme quand il va dans un autre lieu avec des gens qui travaillent dans ce lieu. C'est il est rassuré. Différent. Voilà, oui, il y avait ce côté rassurant, sécurisant pour lui. Et même s'il n'avait pas toujours envie de rester dans la salle de jeu, finalement, il s'y pliait assez bien. Alors c'est assez paradoxal, hein, parce que c'est effectivement plein de gens différents et qui ne sont pas des professionnels, on le répète, hein, et c'est important qu'ils ne le soient pas, parce que comme ça ils n'ont pas l'attente ni le regard du professionnel. C'est neutre. Voilà. Ils ont le regard de l'ami qui vient jouer avec un enfant. Madame Delaprelle dit souvent, je trouve l'image assez jolie, c'est comme les personnes qui viennent visiter les enfants malades à l'hôpital. Même si l'enfant est content de voir quelqu'un, des fois il n'a pas toujours envie, ou il n'est pas toujours disposé, ou des fois il a juste envie que la personne soit juste à côté de lui pour lui tenir la main. C'est un peu dans la salle de jeu, vraiment, on tient la main à l'enfant, que ça soit physiquement ou moralement, on est là pour lui. S'il n'a pas envie de jouer, tant pis, on est là quand même. Et peut-être que dans l'heure et demie, il y aura un moment où il aura envie de jouer, où il aura envie de venir. Et si là, ça va être super. Si l'enfant se met à bouder comme tout enfant classique... Soit on peut en faire un jeu, soit on peut bouder avec lui. Hein, d'accord. Voilà, ça peut être un jeu de grimace, ça peut être quelque chose comme ça. Bon, après, il se peut aussi que ça ne lui plaise pas, que on va faire ce qu'on appelle le repli. Si vraiment l'enfant n'a pas envie, que ça fait 10 minutes qu'on essaye d'attirer son attention ou d'être avec lui, mais qu'il n'a pas du tout envie qu'on soit avec lui, on va se mettre dans un coin de la salle, on va prendre un jeu, on va commencer à jouer seuls, mais avec enthousiasme quand même, il faut qu'il ait envie de nous rejoindre, hein, pas non plus forcer. et voilà, du coup... On voit, nous Simon c'est beaucoup la lecture, il adore les livres et souvent quand on se replie avec un livre, on parle tout doucement comme ça. Et au bout de 2-3 minutes, ça y est, poupou, il arrive, qu'est-ce que tu fais? Enfin, il ne dit pas qu'est-ce que tu fais, mais c'est vraiment ça, quoi. Il se retourne plusieurs fois, ouais, il guette. Alors là, on peut éventuellement se tromper, sauter une page et puis alors là, il arrive direct. Hein. Non, c'est pas ça, tu t'es trompé. Hein. Voilà. Mais on voit que il a besoin de toutes ces personnes qui sont là autour de lui. Et oui, la méthode, elle est vraiment vraiment bien dans le sens où elle suit vraiment pas à pas l'enfant, on colle vraiment au plus près de la personnalité de chaque enfant, parce que chaque salle de jeu va être différente. On va mettre dans la salle de jeu tout ce que l'enfant aime. Les couleurs, les... Voilà. Bah après, c'est... Bah nous, Simon, effectivement, il est beaucoup dans les couleurs, dans les émotions, dans les sons. Donc, on va mettre différents instruments de musique. Alors, chaque jeu est en double. Ce qui, voilà, ça peut aussi effectivement représenter un certain coût, parce qu'il faut vraiment que chaque jeu soit en double pour pas intervenir directement sur le jeu de l'enfant, mais pouvoir faire un effet miroir. Comme on disait, bah, c'est l'imitation. Ouais. L'enfant choisit un jeu, on prend le même jeu que lui, on commence par faire comme lui, et c'est là qu'après, sur notre propre jeu, regarde, on peut proposer d'autres façons ci, de faire. T'as fait ça, et voilà. L'enfant comprend. Ah bah après, il y a finalement très peu de paroles parce qu'on invite l'enfant par plus le visuel qu'autre chose. Bah, en plus, dans le cas de Mathilde, d'autant plus. Hein. Mais c'est vrai qu'on ne va pas l'attirer en lui disant « Viens voir ce que j'ai fait, viens voir ce que j'ai fait ». Non, il faut vraiment que ça soit lui, le regard vienne de lui. C'est pour ça que ça demande du temps aussi, mais c'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui va s'inscrire dans le temps. Parce que c'est quelque chose qu'il aura, en quelque sorte, appris à faire, quoi. Mais de lui-même, par lui-même. Donc, voilà, c'est lent. Ça demande du temps, mais on sent qu'après, une fois qu'on a le regard vraiment, nous, on voit qu'en extérieur de salle de jeu, effectivement, le regard, il est vraiment... bon, pas permanent non plus, mais... quand Simon il a besoin de nous dire quelque chose, il va venir, il va nous regarder, quoi. Alors que quand il était plus petit, il essayait toujours de se débrouiller tout seul. Maintenant, il sait demander de l'aide. Ça, c'est énorme pour un enfant autiste. Donc voilà, c'est vraiment des choses. Et puis, on a des émotions en salle de jeu. C'est juste formidable, quoi. Oui, moi, j'ai vraiment retrouvé mon évoluer. Petit garçon, quoi. Mmh. Vous le voyez en jouant avec lui, je l'ai retrouvé. On s'était perdu de vue et on s'est retrouvés. Donc, c'est vraiment super. Une expérience formidable. Qu'on souhaite à tous les parents, finalement. Moi aussi, j'ai ressenti ça. Mmh. Sur la couverture, un jour, Mathilde a 8 ans et j'ai eu l'impression de retrouver la petite fille de 15-16 mois dans ses regards, dans ses sourires et tout. On était sous la couverture, les deux. Mmh. Mais parce que c'était dans le contexte salle de jeu, et c'était même différent par rapport au soir, le coucher ou le lever le matin. Mais là, je te l'avais dit d'ailleurs, j'étais repartie en arrière, moi. Et c'est vrai, on sort ému, quoi. Ouais. Et on se dit, qu'est-ce qui a lâché, à quel moment. Ouais. Et voilà. Bah écoutez, ça va être la fin de mon émission. Alors je voulais vous remercier à tous les trois d'être venus. D'avoir parlé chacun de votre association et de vos enfants. Je sais que ce n'est pas chose facile, mais voilà, je tenais vraiment à vous remercier d'avoir fait le déplacement et d'avoir pris le temps d'expliquer et de dire aux autres parents aussi que vous êtes là, que cette méthode existe. Oui, tout à fait. Si n'importe quelle personne... et dans une situation compliquée, qu'elle n'hésite surtout pas à entrer en contact. Il y a des associations, il n'y a pas que nous, il y en a d'autres, des associations, mais il ne faut vraiment pas hésiter à téléphoner, vraiment. Tous les parents qui créent des associations, ils sont vraiment là pour aider les autres. On sait par où les gens passent, on sait que c'est difficile, on sait qu'on peut très vite se sentir isolé, très isolé, voire. Et voilà. Il faut prendre le téléphone, il faut appeler. Il y a forcément quelqu'un qui aura le temps d'écouter et de répondre aux questions. Moi, j'insiste sur le fait que l'enfant soit autiste ou avec un autre handicap. Oui, voilà, ou avec un autre handicap. Ou les deux, parce que nous, on cumule. Donc, merci à tous. Merci. Merci à vous. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses pour le futur. Merci. Merci.